Gino est mort, mon frère, et maintenant c'est Zébé Guignon. 91 synonyme de favela, dans mon cartel on a le son champagne. J'ai les armes, donc si tu veux ma peau, faut pas me louper. Dans les descentes et tout derrière, faut ta force, force, j'ai besoin d'une loupe. Sur les réseaux tu cries victoire, mais pendant la guerre on t'a vu Nachav. T'as vu qu'on aimait trop la bagarre, pour calmer les tons quand tu m'appelles. Moi, je suis dans mon délire, tellement jalousie qui rêve de mon échec, tellement chaud. Je suis pas trop derrière, j'ai sûrement parti de la mythologie grecque. Allô, Vico, c'est Wanzi qui manage, bientôt on ramène les sous à la maison. Je fais partie de ces rappeurs qui font péter les caissons. Koba la Tita et Mafia Spartial, côté la M, Chotas, Kako. Le 7ème bâtiment gagne en barcaro. Je suis carrément gang. Je suis carrément gang. Oh, je suis carrément gang. Je suis carrément gang. 300 000 vues, félicitations, maman est fière de moi. Ma tête aux informations, papa se demande qu'est-ce que je fous là. J'ai pas encore reçu mon BTT. Putain, la sacra, les maisons disent qu'on peut être peur que leur favori finisse éteint. J'suis carrément gay, je veux plus d'efforts, c'est elle qui dégoûte, donne la braque. J'ai rien demandé, mais j'suis gâté, me savoir ce que j'ai sous les fringues. Certaines bitches deviennent des folles, comme si j'étais une superstar. Moi je suis un film de poule, comme ça je vous dis toi tous les soirs. J'suis carrément gay. Carrément gang. Oh oh oh oh, je suis carrément gang. Carrément gang.